le ciel. Le ciel est là. Le ciel. Le ciel est là. Qui attend? Qui attend? Le ciel est là. Et toi, toi, tu m'attends. Je sais, je vais pas tarder. Je vais pas tarder. Fini danger. Danger, c'est quelques affaires. Et tu sais, encore un peu de temps. Encore un peu. Encore. Je vais bien y arriver. Je vais bien. Bordel. Bien y arriver. Et bien y arriver. Et après. Et après j'arrive. J'arrive, je te jure, j'arrive. Je te jure. J'arrive. Tu me manques tellement. Tu sais, tu me manques. Je fais ce que je peux. Je vais m'enfuir. Je vais pas t'oublier. Tu me manques trop. Tu me manques. Tu me manques. J'en aurais pas. J'en aimerais pas d'autres, tu sais. J'en aimerais pas. Comme toi, jamais. Tu sais. Et que toi, tu manques tellement. Et que toi, alors. Alors. Alors attends. J'arrive. J'arrive. Le ciel est là. Le ciel. Le ciel est là. Qui attend d'un bleu éclatant. Le ciel. Le ciel est là. Le ciel est là. Et toi, toi, tu. Tu me manques. Le ciel est là. Toi, tu m'attends. Pour la grande nuit.